est le devenir de vos travaux? Ah. Comment c'est vécu par les jeunes de Plaisévêque? Ben, c'est-à-dire, ça serait aux Plaisévéciens, aux jeunes Plaisévéciens, oui, de répondre, mais elle est... Non, dans le cadre de Plausarche, on fait une expérience actuellement. D'ailleurs, c'est Laure qui pourrait peut-être mieux en parler. Laure, elle n'est pas là. Je crois que là aussi, si on compare avec l'Aubrac, où il n'y a rien d'équivalent, ou dans le Châtillonnais, où il n'y a eu aucun retour, le fait que la commune possède les films, elle a des moyens pédagogiques qui peuvent être utilisés, qui effectivement peuvent être à la fois instructifs et distrayants. C'est-à-dire, parce que pour les jeunes, ça leur apprend des choses, mais c'est un peu... C'est quelque chose qui leur est pas étranger, c'est leur commune, c'est leurs parents, c'est voilà. Donc, je pense que c'est ça peut être une forme, une des formes pédagogiques très très intelligente d'initiation au milieu local et à énormément de problèmes, problèmes de l'économie, à l'histoire, mais aussi à l'écologie, pour leur donner le sens du changement. Effectivement, les années 60, pour eux, c'est la guerre de 14. Bon, mais ils ont du mal à imaginer, effectivement, que dans les années 60, il y avait encore des gens quelques personnes qui s'éclairaient à la lampe à pétrole, et il y avait encore des gens qui utilisaient la faucille. Bon, mais... Alors, sur l'utilisation, justement, pédagogique, tant des films que des enquêtes, Jean-Claude a une expérience... qui date des années 90. Et puis, dans le cadre de Plausarche, justement, Laure, qui est, je ne sais pas où elle est, anime actuellement un atelier d'écriture au collège où on fait découvrir à des groupes d'élèves les archives des enquêtes, tant les films que des photos, que des archives sur lesquelles on travaille actuellement. Et ils vont travailler toute l'année sur ces archives pour dresser une fiction qui sera des récits autour de trois grandes catégories. Pour le bourg, ça sera des commerçants. L'évolution, enfin, ils vont essayer de faire une écriture sur l'évolution, disons, d'une famille sur depuis les années 60, des gens qui vivent sur le littoral, une famille de pêcheurs, une famille de paysans, une famille de bourg. Donc là, il y a toute une utilisation pédagogique à